Alors, il nous manque encore la première personne du pluriel, donc la forme du passé avec « nous ». Voyons, comment dit-on « j'ai parlé » au passé, hein, au passé sans plongeoir. Hablé. Hablé, hein? Hablé. Et il ou elle ont parlé sans plongeoir. Hablaron. Hablaron. Tu as parlé, toujours sans plongeoir. Hablaste. Hablaste. Et pour dire nous avons parlé, au passé sans plongeoir, la terminaison est en amos, ce qui donne. Hablamos? C'est ça, hein? Hablamos. Nous avons parlé. Comment dit-on nous parlons? Hablamos. Hablamos. Hein? Et pour nous avons parlé, nous avions dit la même chose. Hablamos. Hablamos. Hein? Ce qui veut dire que on emploie la même forme pour dire nous parlons au présent et nous avons parlé au passé sans plongeoir. De la même manière, si vous voulez dire nous arrivons, ça sera llegamos. Oui, encore une fois. Llegamos. Mm-hmm. Llegamos, nous arrivons. Et nous sommes arrivés, au passé sans plongeoir, ça sera llegamos. Llegamos. Hein? Donc, c'est exactement la même forme. Mais, en principe, le contexte vous permet de savoir s'il s'agit du présent ou du passé. Hein? Si on vous dit llegamos ayer, hein, hier, ou llegamos hace dos días, il y a deux jours, on comprend que c'est du passé. Nous sommes arrivés hier, nous sommes arrivés il y a deux jours. Tandis que si on vous dit llegamos hoy, hein, aujourd'hui, ou llegamos esta noche, ce soir, là, ça veut dire nous arrivons, hein, nous arrivons aujourd'hui, nous arrivons ce soir, et c'est du présent. Bon. Alors, comment dit-on « il ou elle est sorti » au passé sans plongeoir? Salió. Bien, salió. Et « il ou elle sont sortis » sans plongeoir? Salieron. Salieron. Et « tu es sorti » sans plongeoir? Saliste. Oui, saliste. Et « je suis sorti » Sali. Sali, d'accord. Et nous sommes sortis, hein, toujours sans plongeoir, essayez. Salimos. C'est ça, hein, salimos, hein, salimos. Donc, nous sortons, c'est salimos. Salimos. Donc, là encore, on emploie la même forme pour dire nous sortons et nous sommes sortis. Donc, avec nous, on a la terminaison amos, pour les verbes en ar et imos pour les verbes en er ou ir. Vender, c'est vendre. Alors, nous avons vendu à la forme simple du passé, donc sans plongeoir, se dit vendemos. Non. Au passé, on n'a que deux terminaisons possibles avec nous. C'est amos ou imos. Pas plus. Alors Vendimos. Vendimos. Hein? En effet, vendimos. Hein? Ce qui veut dire que, dans le cas des verbes en er, le présent et le passé n'ont pas la même forme. Hein? Parce que nous vendons se dit vendemos. Vendemos. Hein? Au présent, vendemos. Hein? Du verbe vender. Hein? Vendemos. Mais nous avons vendu au passé sans plongeoir. Vendimos. Vendimos. Donc, pour les verbes en er, on fait la distinction entre le présent et le passé. Nous mangeons, se dit comemos. Comemos. Et nous avons mangé, au passé sans plongeoir comimos. Comimos. En effet,